الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فنبدأ في هذا اليوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى في دراسة هذه الرسالة المفيدة. On commence aujourd'hui, après avoir fini l'explication du chapitre de l'Ikhlas, la sincérité de Riyad al-Salihin, avant de continuer l'explication de Riyad al-Salihin, bi-idhnillahi azza wa jal, on étudie ensemble cette rissala qui est résumée de l'allama al-Sheikh Hamoud At-Twejri, rahmatullah alayhi. Hada al-Sheikh, ce savant, c'est un savant de la Sunna qui est décédé il y a quelques années, rahmatullah alayhi, en 1413 et on est en 1441. Farahimahullah, il a écrit des ouvrages très très bénéfiques pour l'Umma. Wali al-Asaf, kathiru min al-Nas, ils ne connaissent pas Hada al-Sheikh al-Alim. Et ils ne connaissent pas ces ouvrages qui sont très très profitables et qui sont simples. Wa tariqatuhu rahimahullah dans ses kutub, c'est al-i'timad ala al-kitab wa sunnah. Il cite kathiran, comme on verra ensemble, inshallah, dans cette risala, beaucoup de versets du Coran al-Karim, beaucoup de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ya'tani kadhalik bi aqwal ahli al-ilm. Que ce soit Cheikh l'Islam de Taymiyyah, ou son élève, Ibn al-Qayyim, ou l'imam al-Kathir, ou qablahum a'immat al-Sunnah, que l'imam Malik, ou l'imam Ahmed, il a akhiré, fa rahmatullah alayhi. Wa hadha al-Sheikh, la plupart de ses livres, c'est des redoudes, c'est des répliques. Imma contre des égarés, imma contre des idées. Fa c'est un mujahid, rahmatullah alayhi. Et celui qui a l'habitude, ou qui a déjà lu des livres de ce shir, فتلاحظ, quand tu lis أنه, il avait beaucoup de ghayr pour هذا الدين, tu ressens qu'il était touché, ça l'attristait l'état de la communauté et certains égarements. فرحمت الله عليه كان يكتب كثيرا. Et ils ont imprimé ces livres dans une série, ils sont arrivés au 7e volume Adhan, et rahimahullah, ils ont imprimé beaucoup de ces livres fi hadhihi al-kutub hadhihi al-ajza. Et parmi ces livres, Tuhfatu al-Ikhwan bima jaa fi al-muwalat wa al-mu'adat wa al-hub wa al-bughd wa al-hujran. Il a traité ce sujet qui est très très important, khassatan à notre époque. Très très important ce point, ay aslu al-wala wa al-bara. الحب في الله والبغض في الله. Aimer pour Allah et détester pour Allah. هذا الأصل عظيم qui dérange beaucoup les ennemis de l'islam. Que ce soit le kuffar ou le munafiqoun ou بعض المبتدع الظالون. Ce أصل les dérange جدا. لماذا لأن هذا الأصل العظيم aimer pour Allah, détester pour Allah, ça contredit leur fondement principal. Et ce fondement, c'est un fondement de notre dit. Aimer pour Allah, détester pour Allah. Comme a dit alayhi salatu wassalam, « Awthaq'ur al-iman, al-hubbu billah wa al-bughdu billah. » قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. C'est un fondement. C'est une condition في l'iman, d'aimer pour Allah, détester pour Allah. Aimer ce qu'Allah il aime et détester ce qu'Allah il déteste. Enfin, vu que ce fondement, ça contredit le fondement de Jami' Ahl al-Kufr à notre époque. Aïe, la liberté, la fraternité, l'égalité, tout ça c'est en contradiction. Notre dîn, il nous dit, il nous ordonne d'aimer pour Allah et détester pour Allah. Hum, ils ont un fondement. C'est ce qu'on appelle la démocratie qui ont propagé à cette époque depuis quelques années. Un homme, c'est tout le contraire. Liberté, tout le monde est libre. L'égalité, on est tous égaux, le mu'min ou le kafir, et la fraternité, on doit tous s'aimer. le contraire de ce fondement qui fait partie des bases de notre dîn. C'est pour ça que chaque musulman, il doit donner du temps pour lire, pour écouter, pour étudier ce sujet, al-wala wal-bara. Et moi, en lisant cette risala de Cheikh Touidjiri, rahmatullah alayhi, elle est mukhtasara, elle est mufida, c'est min ahsan ma kutib, fil bab min haytha al-ikhtisar, ou al-quwa kadhalik, elle fait partie des, ce livre fait partie des meilleurs livres dans ce sujet, l'alliance et le désavu, min haytha al-ikhtisar, et les livres résumés. Ou le livre de Cheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, al-wala wal-bara, il est jamil kadhalik. فعلى كل حال أن الإنسان يندم جداً لهذا وللأسف on vit à une époque أن كثيراً ممن انتسبوا للدعوة إلى الله عز وجل ils ont négligé complètement ce point بعضهم يا بعضهم ils ne donnent pas assez d'importance بل بعضهم عياذاً بالله يحاربون ce point et cette base primordiale essentielle aimée pour Allah détestée pour Allah لماذا celui qui donne de l'importance à ce point, qui étudie ce point, qui propage ce point, est aimé pour Allah, détesté pour Allah, al-kuffar, ils ne seront jamais satisfaits de lui. Enfin, celui qui veut mélanger entre le mu'minin et le kafirin, il veut que les muslimouns, ils l'aiment, ils soient satisfaits de lui, et les kuffars kadalik, il veut ne pas être critiqué par les kuffars, il ne pourra pas, on ne dit pas appliquer ce point, il ne pourra pas en parler. فلهذا كثير من الزائرين الآن qui ont trouvé un public dans les réseaux sociaux et là ils ont aucun chaîne dans les masajid, dans l'umma ils ont aucun poids لكن الآن ils ont un certain auditoire des gens qui les suivent, qui les écoutent, qui les apprécient avec les réseaux sociaux et la chose que tu n'entendras jamais de Haoula c'est ce point alors que ça fait partie des bases de notre dîn بل c'est lié à la shahada ashhadu an la ilaha illallah lana celui qui témoigne annahu la ilaha illallah azza wa jalla tu dois l'aimer fillah innamal mu'minuna ikhwa qala azza wa jalla tu dois l'aimer c'est un mu'min il prononce la shahada celui qui refuse de prononcer cette shahada ou qui la combat ou qui se moque ou qui la déteste enfin tu dois le détester fillah subhanahu wa ta'ala en fait ça fait partie du tawhid mais c'est du tawhid بل التوحيد لا يصح إلا بهذا التوحيد il sera correct valable que si on applique هذا المعتقد العظيم أي aimé pour Allah détesté pour Allah et vu que Cheikh Touidjiri rahmatullah alayhi comme il a cité dans Muqaddima qu'on va dans l'introduction Muqaddima qu'on va essayer de lire ensemble aujourd'hui vu que كثير من الناس ils ont des faiblesses sur هذا الباب بل بعضهم ils se sont égarés بل بعضهم ils mélangent l'un بعض المسلمين l'époque où qu'on vit si tu lui dis tu détailles pas فقط tu lui dis il faut aimer les croyants المسلمون الى اخره il faut détester الكفار المشركون المنافقون الى اخره فكأنه tu lui as dit du kufr بعضهم ساكوز لو ignorance ils sont surpris ils sont étonnés لماذا لأن دعوة الكفار qui combat هذا الأصل العظيم أي l'alliance et le désaveu aimé pour Allah détesté pour Allah cette دعوة أي la démocratie la laïcité elle a touché beaucoup de nos frères beaucoup de la communauté ولله الحمد كثيرا أو كثير من المسلمين quand ils entendent هذه الأدلة et quand tu leur montres le fait de détester un kafir ça ne veut pas dire être injuste ça ne veut pas dire lui voler ses biens ça ne veut pas dire le tuer ça ne veut pas dire faire un attentat ça ne veut pas dire être injuste Aveden. Quand tu lui expliques hada et tu lui montres adilat al-Qur'an wa sunnah et tu lui cites shay'un min sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fakathir minhum wa lillahi alhamd ils comprennent et wa'aduhum la yafhamoun avec l'adillah certains croyants à notre époque ils ne comprennent pas avec les textes tu peux lui citer les textes il ne comprendra pas pour plusieurs raisons qu'on ne citera pas ici لكن بعضهم الآن فهموا à cause de l'injustice des kafaras Imma son fils il a été accusé à tort Imma lui-même il a été accusé à tort Imma il a compris que cette démocratie la akhira fil haqiqa c'était fi salah al-kuffar ça c'était pas pour le muslimin ben ils prennent ça faqat pour mieux taper sur le muslimin ou illa leur démocratie elle donne aucun droit aux croyants et la rif ba'dhum al'an ils commencent à comprendre un al-kafir, il ne veut pas forcément du bien. Lakin, on ne doit pas attendre un al-kafir nous fasse du mal pour dire un al-kafir il est pas bien. Là, sur raisonnement, fil haqiqa, ça peut être très très grave. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de nos frères, beaucoup de musulmans. Et il a un voisin qui est respectueux. Il vit dans une ville où il n'y a pas de racisme. Les gens, ils le respectent. Ils ont un minimum, ils ont un certain comportement, ils respectent les autres, ils ont de la gentillesse. Ça reste un kafir. Tu trouves un des mu'min, vu que sa base, ce n'est pas les preuves. Là, sa croyance, elle est fondée sur un échange. Si tu es gentil, tu es bien. Si tu es mauvais avec moi, tu es mauvais. Vu que pardon, ils ont un hadal mabda, enfin, quand tu lui cites un hadal, il te dit mais moi, je connais, je suis dans une ville, je suis dans un quartier, ils sont très gentils avec moi, ils sont respectueux, et ils ne trouvent pas la force de pouvoir les détester. Et ça, c'est très très grave. C'est de l'égoïsme. Nous, si on déteste les koufars, que ce soit les juifs, les chrétiens, ou les hypocrites, ou les mouchrikoun, les rawafid, jamais les koufars, si on les déteste, ce n'est pas par rapport à nous. Un juif, il ne nous a jamais fait de tort directement. Quand on parle de tort, il ne nous a jamais pris nos biens, chrétiens. Là, on les déteste pas parce que. Pas parce qu'ils nous ont fait du mal, là, on les déteste. Et Allah Azza wa Jalla amara bi dhalik. Et en fait, si tu viens à réfléchir, ils te font du tort. Même celui qui te fait des sourires. Lakin, si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, tu comprendras hada al-kalam. Ce kafir qui te fait des sourires, et qui est gentil, et qui est respectueux, il a akhri envers toi. La yu'min billah. Wa la yu'min bin nabi. Wa la yu'min bil Qur'an. Cite-lui la vie du prophète alayhi salatu salam. Cite-lui un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le jihad. Cite-lui un al-Qur'an, il y a des peines à appliquer. Certains versets, tu verras qui, si c'est un kafir, il détestera ces choses. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala, il le guide. Là, nous, on parle d'un kafir qu'Allah, il n'a pas guidé. Si tu réfléchis et tu repousses un peu ton égoïsme, sahih, anta, il t'a rien fait. Lakin, aina ghayratuk lillah. ولرسوله صلى الله عليه وسلم أين إيمانك بالله وبالرسول أن واحد يكروب أن الله يكروب أن مساجي صلى الله عليه وسلم et ça te touche pas. C'est pas possible. C'est pour ça que الله سبحانه وتعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. Vous avez remarqué que في القرآن الله سبحانه وتعالى ما قال يوادون من حدك أنت أو جارك أو أباك أو لا. المسألة الحب في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est pour ça que هؤلاء, si ce voisin qui est gentil, souriant, il a akhiré, il insulte son père, ou il se moque de sa mère, ou il est injuste envers ses parents, ou envers un de ses fils, même s'il est souriant, respectueux envers lui, il n'acceptera pas. S'il a de la hikma et il veut aller tout doucement, il va lui parler, il va lui dire Anna, tu es bien avec moi, lakin avec ma famille, c'est pas possible. Imma, tu te corriges, imma, tu me parles plus. Et ba'dhum, directement, il va le hajar, il a akhir. Pas bourdan lillah, bourdan li nafsi. C'est pour ça que l'étude de ce genre de livre, c'est muhim. Ça nous apprend à agir, à vivre avec ad-din. Pas que nous. فلهذا تتخب الآن كثير من العوام خاصة السوكيف في بلاد الكفر تأثروا لماذا؟ لأن ربما يفين ici au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie ou en Égypte ou certains pays musulmans ربما il va se faire voler certaines choses peut-être qu'il y aura moins de propreté il a akhiré ça va le toucher. Il va aller عند الكفار, c'est propre, c'est beaucoup plus propre dans certains endroits. Peut-être qu'il ne va pas se faire voler, peut-être qu'il va moins subir d'injustice dans certaines choses. Ba'dhum, ils sont clairs, ils disent c'est ha'oula al-muslimoun. Pourquoi tu me dis de les détester? Fal-haqiqa, cet amour, cette haine, elle est basée sur quoi? Sur ses passions, sur ce qu'il veut lui. On revient à ce pays muslim, sahih, certains habitants, Obama, ils ont volé quelque chose, ils ont été injustes, ils aiment l'islam. Ils ne se moquent pas du prophète, alayhi salatu salam. Ils ont un minimum. Tu le vois au Jumu'ah, tu le vois faire Ramadan. Ils aiment l'islam malgré toutes leurs faiblesses. C'est pour ça que la femme dans les pays musulmans, où l'homme il s'habille en tant que musulman, les enfants, personne ne parle. Alhamdulillah. Fi bilad al-kufr, sahih, annahum peut-être qui ne vont pas te voler directement, ils ne vont pas t'insulter. Lakin, ils t'interdisent l'adhan. Ils interdisent aux sœurs le hijab. Ils détestent le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont moqués de lui et ils ont approuvé hada avec des lois ila akhirah. Enfin, ça ne te touche pas. C'est ça le mas'ala. Hadi al-muqaddima li muhim pour pouvoir comprendre pourquoi on étudie ces livres et qu'à d'aller connaître la situation de l'umma. On vit à une époque, l'insan il pense beaucoup à lui. À l'époque des salaf, c'était l'inverse. Lihada, as-salaf, ce genre de livre, al-haqiqa, tu ne trouvais pas beaucoup à l'époque des salaf. Mais maintenant, il y en a, c'était une chose claire, indahum. Awalan, ils ne se mélangeaient pas au kuffar. Ils n'avaient aucun lien avec le kuffar, sauf à un moment, al-jihad. Ils les détestaient, villah. Et ils les combattaient, walillah, alhamdulillah, ils avaient le dessus. C'est pour ça que tu trouves, il y avait moins de besoins qu'à notre époque. Et as-salaf, ils faisaient passer le din avant eux. C'est pour ça qu'il détestait les Yahoud ou les Nasara. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, marra, il a vu un sahabi demander à certains gens du livre une explication. Les gens du livre, ils avaient, alors à l'époque de sahaba, radiallahu anhu, certains d'entre eux, ils avaient des connaissances dans les livres. At-Tawrah ou l'Injil, il a akhir. Un sahabi, il a demandé, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, ghadiba. Et il a expliqué à son frère. L'imada, vous leur demandez. Tellement qu'ils les détestent des villas, l'imada, vous leur demandez. Et Homme, on ne les a jamais vus nous demander. Ça montre un Abdullah ibn Abbas. Il n'a pas fondé sa haine et le fait de détester le kuffar sur son œuf là. Il l'a fondé sur un Homme, ils ne reviennent pas au Coran et ils n'essayent pas de savoir ce qu'il y a dans le Coran. Enfin, pourquoi vous leur demandez? Est-ce qu'on va accuser Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma de radicalisme, annahu il exagérait? Abadan. Bala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il les détestait. La'natullahi ala al-yahoud wa al-nasara, qala Isa sallam, fi ghayr hadith, ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid. Et là, chacun, la la'na, c'est quelque chose que tu détestes. C'est pour ça que c'est pas permis de maudire les croyants. Et dans cette risala, bi idnillahi azza wa jal, al-shaykh Hamoud التويجري ورحمة الله عليه إلى ديتاي هذا avec un كلام سهل. C'est pour ça qu'on a choisi cette risala. Le كلام il est très très simple. On n'a pas besoin d'expliquer tout. Et كذلك مختصر à quelques pages, une soixantaine de pages. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من على أوليائه بالتأييد والإسعاد وقضى على أعدائه بالخذلان والإبعاد ونهى عباده عن التقرب إليهم بالموالاة والوداد أي الود المحبة وشدد في ذلك وأبدى فيه وأعاد أحمده تعالى على نعمه التي لا يحصى له تعداد وأشكره وكلما شكر أو شكر زاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهادة أدخرها ليوم التناد. هذا الكلام الفصيح الجميل l'explication إن شاء الله ça viendra dans la risala أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بمحبة المؤمنين وأمرنا ببغض الكافرين ببغض أعدائه. الله nous a ordonné d'aimer les croyants et de le prendre comme allié. Il nous a interdit d'aimer les kuffars et de le prendre comme allié. Tout ça c'est le sujet de notre risala. Enfin, on n'a pas besoin de tout détailler. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفوة العباد أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على أهل الشقاق والعناد فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبالغ في البيان والإرشاد. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأمجاد الذين جاهدوا لله حق الجهاد وصارموا أعداء الله وجالدوهم غاية الجلاد حتى ملأ الإسلام مشارق الأرض ومغاربها قال نعم حتى ملأ الإسلام مشارق الأرض ومغاربها رباها والوهاد ينظر هذه الكلمة قال وعلى من تبعهم بإحسان من حاضر وباد وسلم تسليما كثيرا. السجع بعض العلماء يستعملونه أي لفت de citer un كلام avec des rimes, c'est pas منهي على الإطلاق. نعم سجع كسجع الكهان Ça, c'est pas manhi ala l'itlaq. Al-sajj, le fait de faire des rimes comme il a fait Al-Alama al-Shirtoui, c'est tayyib pour appuyer le haq. Amma, comme yaf'al ba'adou al-za'irin, annahum ils emploient mitla hadha al-kalam al-fasih pour propager al-batil, fa'inda dhalik, na'am. C'est du sajj, ka sajj il-kuhan. Fa'ala kulli hal, si c'est pour le haq, c'est permis. Et si c'est pour le batil, c'est pas permis. Al-sajj, on répète, c'est faire des rimes. Comme ici, vous avez remarqué, à chaque fois, ça finit par le mot del, la lettre del plutôt. وأعاد زاد التناد إلى آخره. قال فهذه نبدة وجيزة في بيان تحريم موالاة أعداء الله من المرتدين والمنافقين واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من أصناف المشركين. Ce point il est important. أن هذا الباب c'est pas خاص pour un صنف من أصناف الكفار. تجد بعض الناس ils ont un bourde, chédid, les Yahoud. Et ça, c'est quelque chose de taïb. Lakin al-mushkila, annahu rubbama al-nasara, la yubridhum. On revient toujours à la même chose. Pourquoi? Les anna hadha al-bourde, il n'est pas fondé sur le Coran ou le Sunna. Vu que les Yahoud, ils font du mal à nos frères palestiniens, ou avec le fait de suivre l'actualité, la akhir, ça le touche, il les déteste, pas par rapport au din. Là, ils les détestent, ils sont injustes envers nos frères. Et là, je sais que c'est lié. Lakin, on répète, le fait de s'accrocher au texte, ça va te permettre de les détester à la kulli hal. Demain, on qadra les Yahoud, ils sortent de la Palestine, ils rendent tous les droits aux Palestiniens, ils font plus de mal aux Palestiniens. Est-ce qu'on va les aimer? Et on va dire, ils sont à la khayr? Abadan. On va dire, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, nadja nos frères, et haoula. Ils ont reconnu leur injustice et c'était obligé et on les déteste fillah. Les malades, les annahum, c'est des koufars. Lakin al-ba'd, on répète, al-wala wal-bara, il est lié par rapport à leur hawa. Enfin, c'est pour ça que le mu'min, il ne fait aucune différence entre un yahoudi, un nasrani, un majous, un mushrik, un rafidi, un qubouri, qui adore les tombes. Malgré qu'on lui a montré, malgré que l'ulama ils ont conseillé, il s'entête, iyadam billah. Fala farq baynahu wa bayna al-yahudi wa al-nasrani. Limada li'anna al-kufr millatun wahida. Et on doit tous les détester. Et là, chaque certain les détestera plus que d'autres. C'est comme al-mu'minoun. Al-mu'minoun, certains on les aime plus que d'autres. Qu'al anbiya wa al-rusul wa al-mala'ika wa al-sahaba ou à l'ulama, on va les aimer plus que un ami min awam al-muslimin, hada ya aucun doute. Va hakad al-kuffar. Certains, on les détestera plus, ceux qui font du mal aux muslimin et la agré. Lakin, le fondement, la base du bord, c'est pour al-jami'a. Qala, wa ghayrihim min asnaf al-mushrikin wa al-tahdhir min mawaddatihim wa ta'dhimihim wa bada'atihim bis-salam. وتقديمهم في المجالس وغير ذلك مما فيه تعظيم لهم بالقول أو بالفعل. فهنا اختصر الرسالة. Dans cette rissala, il va clarifier ces points, rahmatullah alayh. Le fait de les aimer, le fait de leur donner de l'importance, le fait de leur passer le salam, et commencer leur dire assalamu alaykum. كذلك تقديمهم في المجالس. Dans une assise, on leur donne trop de valeur. Tout ça, c'est pas permis. لماذا لأنهم سدزنمي الله سبحانه وتعالى فالكافر on doit avoir un موقف معه. Tout ça on répète fondé sur la justice. لأن هذا الباب on a cité dans le مقدمة un extrême ممن انحرف في هذا الباب أي ceux qui ne parlent jamais de ce point بل ils ne comprennent pas ce point et ils disent qu'il faut être tolérant, il faut respecter, il faut les aimer, c'est nos prochains, on est des frères, il a akhir. On est tous des êtres humains, donc on se rassemble تحت هذا الأصل. Ça c'est très très grave. كذلك un autre extrême ممن انحرف هنا الخوارج الضلال. أنهم prennent ce point الولاء والبراء. Et في الحقيقة في الولاء envers leurs frères croyants, ils font beaucoup de mal aux croyants. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج à notre époque et dans toutes les époques, ils font plus de mal aux croyants qu'aux kuffars. Bah, هذا c'est clair. Et كذلك في ناحية البراء, et le fait de détester, ils exagèrent. حتى أحيانا ils s'autorisent des choses sous cet étendard de détester Fillahi Azzawajal, qui est haq à la base, lakin ils s'autorisent des choses, ils dépassent les limites et ils sont injustes. Envers ce kafir, ils sont injustes envers eux-mêmes et ils sont injustes envers tous les croyants. فمثلاً هؤلاء الخوارج سواء داعش أو قبلهم القاعدة أو certains jeunes qui se font influencer yadam billah, qu'est-ce qui les pousse à faire un attentat ou à commettre une tuerie? C'est l'incompréhension de ce point. C'est pour ça, في الحقيقة الكفار لو يعلمون وكثير منهم يعلم. Pour combattre le terrorisme, le meilleur moyen, c'est d'étudier al-wala wal-bara ala aqidati salaf. Wallahi, ce n'est pas un moyen de propager la démocratie. L'imam d'Aliyan al-Muslim, il sait que la démocratie, c'est du kufr. Et il ne l'acceptera pas. C'est pour ça qu'il va pencher vers al-wala wal-bara, lakin il va mal le comprendre et ça va le pousser à faire du mal. Fal kufar, c'est la haqiqa, ils savent, qu'est-ce qu'ils minhum. Lakin ils ne veulent pas que dinullah se propage. Là où ils laisseraient ahl-sunnah propager had al-asl, que ce soit Fibulal Kufr ou Fibulal Muslimin, tous ces attentats, tu n'aurais plus d'attentats. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre Had al-Asl. Le fait de détester un kafir, ça ne veut pas dire que je dois le tuer là. Combien de gens, enta, tu détestes et moi je déteste. Et tu ne vas pas aller le tuer. Bardanes, Madanen, ils détestent leurs voisins. Pas pour dire Allah Azza wa Jalla. Un problème de propriété, un problème de stationnement, un problème de comportement, ils le détestent. Il ne se passe même plus le salam. Que ce soit entre kofars, que ce soit entre croyants, que ce soit un musulman avec un kafir, ça arrive tous les jours. Est-ce que ça veut dire, vu qu'il le déteste, il va le tuer? Ah ben, personne ne comprend. Enfin, pourquoi, quand c'est vidi inillahi azzawajal, certains ils font le raccourci? T'alamoun, pourquoi? L'imam, il y en a, c'est pour salir din. Et le kofar, y'alamoun, anna le muslimin, s'il revient à ce fondement, al-wala wal-bara, ils vont être justes, même avec le kafir. L'imam, il y en a, ce fondement, fil haqiqa, ça va te pousser à détester le kofar et à t'éloigner de lui. فالكفار لو كانوا يعلمون pour se débarrasser de deux choses qu'ils détestent, le terrorisme et les croyants, facilite-leur l'apprentissage de هذا, tu ne le verras plus sous tes yeux. لكن tout ça, الحقيقة c'est كما تعلمون, c'est manipulé, c'est manigancé, وإلا فالحق il est واضح. فهؤلاء الخوارج ils se sont égarés via هذا الباب et ils utilisent certains versets du Coran al-Karim, certains hadiths du prophète alayhi salatu wasalam, certaines paroles de savants, et pour légitimer ce qu'ils font comme tuerie, attentat, et tout ça, wallahi alhamd, on l'a déjà détaillé dans plusieurs durous, que ça fait partie en rien de l'islam. L'islam, c'est dinul haq, dinul adl, c'est la justice. On déteste les Yahoud ou les Nasara, pourquoi? Parce que c'est des kuffars, wallahi alhamd, on n'a jamais fait de mal à un juif ou un chrétien. Si on en croise dans la rue, alhamdulillah, on appliquera ce qui est cité dans le Coran, dans le Sunna, avec l'explication de nos savants qu'on va étudier dans ce livre. Enfin, tu ne verras jamais, wallahi alhamd, un sunni agresser un yahoudi ou un nasrani, un peut-être. Bel, tu trouves Adl Awam qui critique le Sunna. Pourquoi vous dites qu'il faut détester les kuffars? Vous êtes trop dur, il a arrêté. Tu le trouves où, Arubama? Dans certains cas, peut-être que c'est lui qui va voler un juif ou un chrétien et lui faire du mal. L'imad, on revient toujours à la mas'ala, elle est fondée sur al-hawa. Elle est fondée sur le mal. Pardon, c'est que l'argent, c'est que les passions qui les dirigent. قال رحمه الله عليه دعاني الى جمعها اي الى جمع هذه الرساله دعاني اي الان il va citer un point important, c'est quoi qui l'a poussé à écrire. Les ulama en général, quand ils écrivent un livre, c'est quelque chose qui les a poussés, imma une expérience dans leur vie, imma un munkar qu'ils ont vu, imma une sunna qui a été délaissée, imma pour propager une chose. دائما il y a un sebeb. قال رحمه الله دعاني الى جمعها ما وقع فيه كثير من المسلمين في زماننا من تعظيم أعداء الله تعالى. C'est ça la cause. On répète, il est mort en 1413. Ça fait combien d'années? On est en 1441. Hein? 28 ans. Presque 30 ans. Ça c'est sa mort. Amma le livre, Allahu a'lam, il l'a écrit quand? Est-ce que c'est écrit à la fin? Anna dans Manusra, c'est pas écrit. Mouhim, il est mort il y a 30 ans. Le livre, on peut dire, il a écrit, si on donne une moyenne, 20 ans avant sa mort, à peu près 50 ans. Ah, ça fait 50 ans que ce livre, cette muqaddima, elle a été écrite. Ah, à peu près. Plus ou moins 50 ans. قال دعاني الى جمعها ما وقع فيه كثير من المسلمين في زماننا من تعظيم اعداء الله تعالى. هذا الكلام. ça fait une cinquantaine d'années, rahmatullah alayh. Kadhalik Sheikh Hamoud Twijri rahmatullah alayh, c'était min ulama al-mamlaka. Il vivait en Arabie Saoudite, du côté de Riyad, la capitale, rahmatullah alayh. Et ta'lamoun que ce pays, walillahi alhamd, pratiquer son islam, c'est très facilité. Bel, c'est afdal ul bilad à notre époque, bila shak. Et c'est un pays qui donne beaucoup d'importance au Coran, à la Sunna, ila akhirah. Et al-kuffar, walillahi alhamd, ils n'ont aucun poids hunak. Et les gens hunak, walillahi alhamd, ils donnent de l'importance à ce asl, leur savant, ila akhirah. Ma'a hada, il a écrit hada al-kalam. Que dire l'an à notre époque? Que dire l'an à notre époque? Khassatan, al-muslimoun qui vivent inda al-kuffar. L'imana, les anahoum, ils sont touchés akhtar. Pourquoi? Parce que ils sont confrontés à haoula al-kuffar matin et soir. Dans la rue, au travail, dans les magasins, partout ils sont confrontés à hada. Qala rahmatullah alayhi, da'ani ila jam'iha ma waqa'a fihi kathirun min al-muslimin fi zamanina min ta'zimi a'da'illah ta'ala wa mawaddatuhum wa attiba' sananuhum, ou sananahum, na'am. As-sanan wa sunan, c'est leur pas, leur voix. حذو النعل بالنعل والمقصود من ذلك النصيحة للمسلمين وتحذيرهم من سوء عاقبة التذلل لأعداء الله تعالى وموالاتهم وموادتهم رحمة الله عليه. Son but c'était هذا c'était de mettre en garde les musulmans. Et نحن en tant que musulmans et on aime هذا الدين et on aime nos savants, on doit faire des efforts pour propager ce genre de livre. Que ce soit une traduction, que ce soit une explication, que ce soit un résumé, en muhadra, en khutbah. On doit faire des efforts fi hadha al-bab. Li anna al-ulama, mithla Cheikh Hamoud, rahmatullah alayhi, ils ont fait beaucoup d'efforts. Et ils ont un haq sur nous. Ils ont un haq sur nous. Et parmi les huquq, c'est de propager leur uloum. Propager leur uloum. Et parmi le ilm de hadha al-shir, c'est cette risala. Kadhalik, mettre en garde contre Abdullah. Ne minimisez pas da'wa, abadan. Hadha al-kalam qui est enregistré, bi idnillahi azza wa jal, narjou, qui touche des personnes que tu peux même pas imaginer. Wahed qui écoute, la haine s'est facilité jiddan avec les réseaux sociaux, avec internet. Wahed il écoute et ça peut le toucher. Pourquoi? Il y en a, on vient à une époque, beaucoup de gens ils ont délaissé la vérité par ignorance. Personne n'aura jamais citer ce genre de paroles que Cheikh Touijri il a écrites هنا. On vit à une époque الآن خاصة في بلاد الكفر, on peut prendre l'exemple en France. On a les prêcheurs الآن qui sont propagés, c'est qui? C'est أهل التمييع والانحراف et بعض الزائرين qui essayent de satisfaire الكفر. Et on a tous entendu ما قال Rachid Abu Hudayfa, on a fait un رد عليه. عبد المنعم بوسنة, on a fait un رد عليه. Tout ça, فقط c'est مسألة ما يتعلق بالكفار. On ne parle pas des autres égarements qu'ils ont. C'est des mounharifoun. Ils n'ont pas de ilm. Et في الحقيقة, c'est devenu comme des stars. Ils ont un fan club. Ils ont un auditoire qui les aime pas par rapport à l'ilm. لماذا لأن la société elle est fondée sur هذا. Tu te filmes, tu as une certaine éloquence. Tu traites les sujets que tout le monde veut écouter. Le mariage, la fin des temps, et tu auras un auditoire. Et quand il y a une question, il y a khilaf. Il y a foulen, est-ce que ça c'est haram? Il y a khilaf, il faut. Il répond même pas à la question, ahyan. Il y a khilaf, il faut être tolérant, il faut pas être trop dur. Il y a foulen, répond avec à la question. Il veut un hukm, est-ce qu'il peut ou ne pas faire? Lakin, vu que haoula, ils ont une méthodologie, il faut pas froisser les autres. Amma dit le haq. Dis-lui c'est haram la mixité. Dis-lui c'est haram de se filmer. Dis-lui c'est haram de faire telle chose. Dis-lui c'est haram de vivre عند الكفرة. كثير من الناس vont dire هذا c'est un peu dur. لكن في الحقيقة s'ils n'auraient pas trouvé un autre qui facilite بغير حق, peut-être qu'ils seraient remis en question. لكن الشيطان il leur a ouvert le bœuf et il leur dit انظروا هذا il est trop dur, il vous interdit tout. L'autre aussi c'est un prêcheur. Et tu trouves les gens, ils ont beaucoup plus de facilité ma haoula. Limada li anna le prêche de haoula, que ce soit Abu Hudayfa ou autre, il est fondé sur la société dans laquelle ils vivent. Enfin, les gens, ils acceptent. C'est très simple pour eux. Ce qu'il fait, l'autre, il le fait. Il va jouer au foot avec lui, il va à la piscine, mais il fait plein de choses. Et à la fin, il va lui faire un dors. La tolérance, c'est facilité, il ne faut pas être trop dur. Choisis à peu près ce que tu veux. C'est pas ça de dire. Les jeunes en France, ils ont un haq azim. Bien sûr, il y a une méthodologie. On commence par le plus important. Il y a des choses, il faut un certain temps pour qu'ils les délaissent. Lakin al-haq, c'est le haq. Il me demande, est-ce que la mixité, c'est haram? Je ne veux pas lui dire il y a divergence, mais la mixité, c'est haram. Si tu ne peux pas, aujourd'hui, tu n'as pas assez de force pour délaisser l'école, tu n'as pas assez de force pour délaisser ton travail parce qu'il y a la mixité, c'est une chose. Et nous, on va t'aider avec au moins un dua. Lakin, il faut que tu saches que le hukm, c'est le hukm. Aïe. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit sur la mixité, on ne peut pas le changer. J'ai قال عليه الصلاة والسلام ياكم والدخول على النساء. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال الحم والموت pour le proche du mari, il a comparé الموت, le fait de se mélanger, c'est comme la mort. Tu lui montres et tu essayes de lui faciliter autant que tu peux sans cacher la vérité et tu lui montres si tu n'arrives pas aujourd'hui, tu arriveras demain, tu le conseilles comment faire pour augmenter sa foi. Si il obéit à Allah, Azza wa Jalla et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, falhamdulillah, s'il n'arrive pas, fama alayka illa al-balagh. Amma haoula la. Haoula la. Et haoula, falhaqiqa, c'est eux qui ont fait beaucoup de mal à notre époque. Je parle du public francophone, fi hadha al-bab. Tu trouves là que Zahir, il s'est rassemblé avec des prêtres et on avait fait un rat sur lui. Il ne peut plus les regarder en face et avec des prêtres la tolérance et le respect. Khoubata Abdullah qui prétend que Allah il a un fils, il parle de tolérance et respect. Et avec Ahl Sunnah, Al-Lamz ou Al-Ghamz. Tu trouves là que le Munharif, il s'appelle Munir Ismail, Munharif Jahl. Allah alam qui c'est qu'il l'a placé en avant et ils lui ont fait une chaîne YouTube. Et il parle, il a un gré. Il te kallam an il yahoud bi kalam testahi. Wallahi, tu as honte. Tu as honte, la douceur qu'il a, qu'il n'a pas rebâmé envers ses frères. Leur ennemi commun, c'est les salafiyoun. Les salafiyoun, ils sont à la hada al-mabda. À hada al-manhaj. On aime fillah, on déteste fillah. Et on patiente. Mais vouloir satisfaire les autres, c'est très très dangereux. قال عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. انظروا tous les sacrifices qu'il a fait Abu Hudhayfa fil batil. Avant, il était à la khair par rapport à sa situation. Je dis pas qu'il était à la haq, il a khair, mais ça n'a rien à voir avec la situation qu'il est aujourd'hui. Il a tout fait pour se rapprocher. Il a fait leur formation de la République. Il a critiqué beaucoup de choses de din. Il a fait des concessions sur beaucoup de choses. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? L'État, ils lui ont fait beaucoup de mal en l'accusant. Il a akhiré. Hatta il s'est rabaissé au maximum. Sa cognia, il n'y a plus d'Abu Hudhayfa. La tenue, elle a changé. Il a touché sa barbe. Tout ça pour essayer de les satisfaire. Ah, quand ça ne marche pas, le batil. Lakin, pour vous montrer ce point, al-kuffar yurakizun alayhi jiddan. Al-ulama yurakizun alayhi, comme Cheikh Hamoud Touaïji yurakizun alayhi, ça veut dire qu'il lui donne de l'importance et il le propage. Al-ulama limada li annahum isaf, c'est la base de l'islam. Celui qui perd cette base, il perd son dîn. Et il aime plus pour Allah, il déteste plus pour Allah. Al-kuffar, vu qu'ils savent que ce point, c'est un point essentiel de la religion islamique, et si les musulmans reviennent à ce point, ça leur fera du tort à eux. Ça deviendra une umma forte, comme c'était à l'époque du prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam. Ils combattent ce point. Ils le combattent comment? Avec du'atun ala Abu Abi Jahannam, Abu Hudhayfa wa Abu Sanna wa Fulan wa Fulan. Et des autres que je ne connais pas et d'autres que vous connaissez. Min ha'ula al-juhal. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. قال الشيخ حمود رحمة الله عليه: والله المسؤول أن يصلح حالي وأحوال المسلمين وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال وأن يجنبنا طريق أهل الغي والضلال إنه قريب مجيب. C'est ça le but de أهل العلم. C'est الخير pour les musulmans. تأملوا ce دعاء. أن يصلح حالي وأحوال المسلمين. العالم يبنسه pas qu'à lui. Wallahi, l'alim, il voudrait se faire connaître, il voudrait de l'argent, il penserait qu'à lui. Il dirait des choses, il aurait écrit un livre sur une chose que tout le monde aime. Le mariage, le paradis, et ça se vend des milliers d'exemplaires, et khalas, tout le monde va parler en bien de lui. C'est pas ça le but du alim. Nahnu kadhalik, si on voudrait ensemble parler que de certaines choses que les gens ils aiment, que le mariage, que les signes de la fin des temps, que hadhil umur, tu trouves que كثير من الناس vont accepter. C'est des choses, on est tous d'accord. Et vous avez remarqué, le kuffar, ils combattent pas hadhil umur. Ils combattent pas. Là, ils combattent la chose primordiale. Ton mariage, pour qu'il soit à la khair, tu dois avoir ce fondement. Al-wala wal-bara. Tu te maries pas avec n'importe qui. Et tes enfants, tu les éduques à la hada. Tu veux al-jannah. Tu veux le paradis. Et ces conférences qu'on aime tellement, tu veux le paradis. Tu es obligé de haqqaq hada al-asl pour rentrer au paradis. Et chaque sujet s'est fondé sur hada. Wa qawluhu rahimahullah wa an yuwaffiqana jami'an lima yuhib wa yarda. Al-ulama. Et ceux qui appellent à ce fondement, wallah, ils veulent le bien pour le musulmane. Bel wallah, ils veulent le bien pour le kafir. Notre but, c'est que ce kafir, il rentre dans l'islam. Ce kafir, il comprend pourquoi on le déteste et on pourrait le changer. Anahu, ça devient un musulmane et on l'aime, on le ferait. Lakin, al-amr, il est biyadillah, wa huwa al-aziz al-hakim. Fa hadhihi al-muqaddimah. Et le prochain cours, inshallah, on commence à hadha. La lecture de هذا الكتاب النفيس وبالله التوفيق نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك